Chapitre 6e. Briancourt et Mauvilliers. Pendant ce temps, il se passait dans la chambre voisine une scène étrange. Un homme était là, seul dans cette pièce banale. Vêtu d'un costume simple de commerçant aisé, il portait une épaisse barbe brune et un bonnet fourré enfoncé jusqu'aux yeux. Son accoutrement, en somme, n'avait rien qui pût attirer l'attention et arrêter le soupçon. Mais il n'en était pas de même de l'occupation à laquelle il se livrait, ni de son attitude dans cette chambre d'hôtellerie. L'oreille collée à la cloison, il écoutait avidement ce qui se disait de l'autre côté, et son visage reflétait tour à tour la colère, la menace, le mépris ou la haine. Par moments, il laissait échapper une sourde exclamation et cette agitation dura une longueur, tandis que se poursuivit le récit de Givry. Lorsque celui-ci eut terminé, l'homme resta encore aux écoutes assez longtemps. Puis, n'entendant plus rien qui l'intéressa, il se redressa et murmura avec un ricanement sauvage. Décidément, Christine avait raison. Elle a retrouvé dans cet Hervé de Pont-Réal une ressemblance qui m'avait échappé à moi. Il est vrai qu'elle a connu le sieur de Briancourt plusieurs années avant moi, alors qu'il était jeune. Il médita quelques instants. Allons, il faut agir et promptement, car ces gaillards me paraissent déjà en décidés. Mais pour l'instant, mettons d'abord Christine au courant de tout ceci. Elle va se répandre en reproches, encore. » Et l'homme, s'enveloppant d'un ample manteau, sortit prestement de la chambre et quitta l'hôtellerie. Il marcha hâtivement à travers les rues, parvint à l'hôtel de Mauvilliers, tourna la façade, s'arrêta devant une poterne ouvrant dans le jardin, entra, et repoussant la petite porte, s'engagea dans une allée bordée d'épais arbustes. Cette allée le conduisit à un pavillon isolé où il pénétra. Une fois là, il se défit de son manteau, de sa toque fourrée et de la touffue barbe brune. Le bizarre personnage ainsi désaccoutré était le sire Urbain de Mauvilliers, lieutenant-gouverneur du Languedoc. Sortant du pavillon, il gagna les bâtiments de l'hôtel. Dans le vestibule, il croisa une femme de chambre et lui dit de prier Madame de Mauvilliers de descendre lui parler dans son cabinet. Là, il attendit, soucieux et comme étranger au décor familier de cette pièce vaste et somptueuse. Peu après, on frappa à la porte, sa femme parut. Mauvilliers se leva, referma soigneusement lui, fit tomber une lourde portière de brocart et désignant un siège à sa femme. « Eh bien, ma belle amie, vous aviez raison. »« Ah ! » s'écria-t-elle avec horreur. C'est donc vrai, c'est lui, lui, mon Dieu. Calmez-vous, madame, fit nerveusement Urbain, et s'asseyant près d'elle. Cédant à vos appréhensions, à vos terreurs, à vos prières, j'ai épié ce jeune homme, et j'ai loué en l'hôtellerie où il loge une chambre voisine de la sienne. Je me suis donné comme un négociant de Montpellier venu à Toulouse pour ses affaires. Enfin, j'ai agi prudemment, et j'ai appris de la sorte des choses extrêmement importantes. « Lesquels, seigneur ? Oh, dites vite !»« Cet Hervé de Pont-Réal est bien le fils de votre premier mari. Vous aviez sans doute mal calculé la dose de... »« Taisez-vous, par grâce !»« Bon, oublions l'erreur de vos blanches mains, madame. » »« Bref, ce damné abbé Patrice, vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas ? A ravi l'enfant à la mort, l'a caché, élevé. Et c'est bien Hervé de Briancourt, reçu par vous, ici, qui a sauvé Violaine le soir où on l'attaqua. » « Fatalité !» murmura Christine, atterrée. « Ce n'est pas tout !» poursuivit Urbain. « Ce Roselin de Givry, que Satan emporte, a fini par retrouver le maudit abbé. C'est de lui qu'il tient la révélation, et bien d'autres peut-être, car il sait aussi comment votre mari est passé de vie à trépas. » Épouvantée à cette subite évocation du crime, Christine se leva en poussant un cri rauque, pour retomber, défaillante, sur son siège. Le sire de Mauvilliers alla vers elle et la secouant assez brutalement gronda. « Tout beau, mamie, ce n'est point le moment de faire la femmelette. Nous sommes perdus, » gémit la femme de meurtre, de luxure et de proie. « Eh non, si nous prenons nos précautions, en nous hâtant, surtout. De nouveaux crimes, sans doute, » s'écria Christine, pâle et tremblante. Ah, « Pourquoi vous ai-je écouté la première fois ?» Des lèvres d'Urbain fusa un ricanement sardonique. « La première fois, dites-vous, excusez-moi, Il me semble que cette première fois a trait à votre fils, et ce coup-là, mamie, je n'y fus pour rien. Si, rétorqua-t-elle avec une sorte de frénésie, c'est vous qui m'aviez fourni le poison. Je l'avoue, concéda le sire. Mais ne vouliez-vous point vous débarrasser, me racontiez-vous, d'un chien que vous prétendiez atteint de rage? Vous n'avez pas été dupe de ce prétexte. Il eut un mince sourire. Peut-être. Mais la question n'est point là. C'est vous seul qui avez conçu, prémédité, exécuté. Misérable, vous m'accablez maintenant. Non, je me défends contre vos attaques, ma toute belle. Et pour le sire de Briancourt, est-ce moi qui... À cette question redoutable, suspendue au-dessus de sa tête, Urbain eut une expression cruelle et haineuse. « Soit, Christine, je vous accorde que cette idée venait de moi. Mais vous ne l'avez pas repoussée, au contraire. Vous y avez trouvé la liberté et le moyen d'hériter d'une fortune considérable. « Lâche, lâche » cria-t-elle avec force. « Est-ce à vous de le rappeler ?»« Là, là !» fit Urbain, mordant d'ironie. « Ne nous courançons point. Nous avons fait tous deux ce qui convenait à nos desseins. Aujourd'hui, notre sécurité est menacée. Il faut que nous nous retrouvions, mais pour remédier au péril, n'est-il pas vrai ?» Radoucie par ces paroles, Christine déclara. « D'abord, je tiens à connaître vos projets. S'il s'agit encore, non, je n'en puis plus, je ne veux même pas savoir. » Le sire de Montvilliers eut un geste furieux et son poing s'abattit sur un coffret qu'il écrasa. Puis, calmé soudain, il dit froidement « À votre aise, j'agirai seul en ce cas. Vous pouvez me laisser, ma chère amie, j'ai à méditer sur tout ceci. » Christine se leva et avant de gagner la porte, « Urbain, supplia-t-elle avec effroi, prenez garde, n'accumulez pas sur votre tête la colère divine, car vous attireriez à la fin le châtiment. Hein ? » fit-il, gouailleur. « Vous, si dévote, madame, d'où vient cette admirable conversion ?»« Des remords, » fit-elle sourdement, et tremblante, elle sortit du cabinet sans jeter un regard à son complice. Urbain haussa les épaules avec un rire méprisant. Il frappa sur un timbre, un valet parut. « Bas sur le champ quérir Camisole, » ordonna-t-il. Le lieutenant-gouverneur s'assit à son bureau et se mit à écrire. Bientôt, on heurta la porte sur un rythme conventionnel et un homme s'encadra dans le seuil. Un colosse brun, mâchoire saillante, mine bestiale, poing noueux, énorme. « Ferme cette porte, Camisole, et viens là. » Le géant obéit avec une soumission d'enfant. « Décidément, mon maître, commença Montvilliers, tu as envie que je te fasse renouer connaissance avec les oubliettes de la geôle. »« Pourquoi, monseigneur ?» hasarda l'autre qui avait tressailli comme sous un coup de fouet. « Tu oses le demander. »« Tiens, j'ai là un rapport du prévôt de Toulouse. Il y a 3 jours, on a trouvé, rue des Ormes, dans une maisonnette où elle vivait seule, une vieille femme étranglée. » Le colosse se mit à trembler comme la feuille. Urbain continua, impassible. L'on prétend avoir vu entrer chez la vieille, vers les 9 heures du soir, un homme très grand, fort comme un bœuf, brun comme un ours, bref, tout à fait en effigie. Camisole tourna de tous côtés les regards effarés. Mauvillier le considérait d'un œil sarcastique. Allons, ta figure à vous. C'est toi, n'est-ce pas, qui as tué cette vieille femme? Camisole se jeta soudain aux pieds du lieutenant-gouverneur. « Grâce, monseigneur » râla-t-il. « Hé hé ! Ça fait bien des fois que j'entends cette ancienne. Ordinairement, j'y réponds par le même refrain et je pardonne. Mais aujourd'hui, vraiment... Monseigneur, je vous serai dévoué jusqu'à la mort. » Mauvilly garda le silence. La brute se traînait toujours à ses pieds. Enfin, Urbain laissa tomber. « Eh bien, je veux t'éprouver. Écoute bien surtout. » Alors, à voix basse, le sire de Mauvilliers parla. L'autre, attentif, les yeux larges ouverts, hochait approbativement la tête par moments. L'entretien des 2 hommes dura près 1 heure. Enfin, Camisole sortit du cabinet d'Urbain. Ce n'était plus l'homme prosterné de tout à l'heure. Il marchait d'un pas assuré et triomphant.